À la même occasion, les meetings, séminaires, expositions de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen et séances de films ont eu lieu du 11 au 17 au Myanmar, au Congo démocratique, en Inde, en Allemagne et en Bulgarie. Y est exposé les photos montrant les exploits révolutionnaires des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, leurs œuvres classiques, les livres et photos sur la Corée et les objets d'artisanat empreints de l'intelligence et du talent de la nation coréenne. Des documentaires coréens, y compris le drapeau du Parti du Travail de Corée, ont été projetés. Des personnalités de différentes couches et des habitants des pays hôtes y ont pris part. Les orateurs ont glorifié les exploits de Kim Jong-il accomplis pour le renforcement du parti. Au Congo démocratique, a été adopté un message de félicitations à l'adresse de Kim Jong-un.